Chapitre 9. Caroline de Brunswick, reine d'Angleterre. 1. Le prince de Galles. C'était en 1794. L'Angleterre traversait une des époques les plus critiques et les plus étonnantes de son histoire. État maritime, elle perdait sa grande colonie américaine et, pour s'en venger, nous faisait une guerre acharnée où s'engloutissaient ses trésors. État monarchique, elle avait alors pour roi George III, dont la raison, atteinte en 1787, ne jouissait que par intervalles d'une lucidité relative et était gouvernée par le Parlement sous la direction de Pitt. Le Parlement représentait toute la grandeur et la vitalité de l'Angleterre. La couronne n'était plus qu'un sujet de pitié et de scandale. Sur le continent, un fils de George, le duc d'York, se faisait battre en toute rencontre par les armées républicaines, tandis qu'à Londres, son aîné, le prince de Galles, l'héritier du trône, donnait cyniquement l'exemple de tous les vices. George Frédéric Auguste, prince de Galles, était né le 12 août 1762. Il avait à l'époque où commence notre récit 31 ans environ. Il avait eu pour ami et semblait avoir pris pour modèle le duc d'Orléans, Philippe Égalité. Comme lui, débauché, ivrogne, prodigue, il affichait des opinions libérales et s'entourait des sommités du parti Whig, mais il valait moins que son entourage. Sheridan lui prêta son esprit. Fox, l'éloquent adversaire de Pitt, et Sir Harris, qui plus tard fut lord de Malmesbury, lui laissèrent le reflet de leur renommée. Brunel, enfin, lui inspira son goût et son élégance. Par lui-même, il était peu de chose. L'orgie avait hébété son esprit, alourdi ses traits, épaissi sa taille. Des coquines aussi habiles que belles, Lady Fitzherbert, Lady Jersey, des proxénètes et des usuriers insatiables l'avaient perdu de dette. Il n'avait pas attendu sa majorité pour dépenser ses 2 millions de revenus et en 3 ans il s'était endetté de 12 500 000 francs. Son père ayant refusé de payer ses créanciers, il s'était adressé au Parlement qui lui avait accordé 4 millions. Puis le gouffre s'était creusé de nouveau et à une nouvelle demande, le conseil décida qu'il était temps de couper court à ses désordres et à ses prodigalités. On convint de payer les dettes du prince, mais à 2 conditions. La première, que le prince fournirait les mémoires détaillées, la seconde, qu'il se marierait. Ce fut Sir Harris, un des compagnons de plaisir de George, mais un des moins fous et que le roi prenait souvent pour intermédiaire entre lui et son fils, qui fut chargé de signifier au prince les volontés du roi et de son conseil. Quelle catastrophe! Aliéner ma liberté? Se récria George. Jamais! Mais vos créanciers? Je fuirais plutôt sur le continent. Mais qui ferez-vous sans argent? Ma pension est insaisissable. Croyez-moi, prince, il faut vous soumettre. Le roi et le conseil comptent sur votre obéissance. Et si ce mariage est un sacrifice, comme héritier de la couronne, vous le devez bien à l'Angleterre. Et la couronne, je l'abandonnerai plutôt à mon frère, qui se mariera et aura des enfants. Tout est arrangé. Le roi, qui possède, ainsi que vous le savez, une collection complète des portraits des princesses de l'Europe, a déjà fait son choix. Le choix de Sa Majesté s'est arrêté sur une des plus belles princesses de l'Allemagne. Que m'importe? C'est la princesse Caroline de Brunswick. Et c'est toi, je gage, qui es chargé des négociations? Oui, monseigneur. Le roi me nomme ambassadeur près du duc de Brunswick et me charge de ramener la princesse à Londres. « Ah ça, mais l'on compte donc pour rien la volonté du duc ?»« Le duc a déjà été informé des intentions du roi et il a accepté. »« C'est une conspiration véritable contre ma liberté, et moi, qui suis le plus intéressé dans cette affaire, je suis le dernier averti. »« Eh bien, l'on a tort de croire que l'on pouvait se passer de mon consentement. »« On viendra le chercher à Carlton House. » Et le prince partit pour sa résidence favorite. Mais là, une armée de créanciers avait commencé les opérations d'un siège en règle. Il ne pouvait entrer ou sortir sans être entouré au passage par la foule de ses solliciteurs devenus menaçants. George trouva Lady Jersey irritée de leur importunité. Il n'aimait pas les visages de mauvaise humeur. « D'où vous vient, chère comtesse, cet air froid et mélancolique digne de Saint James ?»« Mais George, cette maison n'est plus tenable, nous sommes investis. »« Ah, les dettes, encore les dettes, n'entendrai-je parler que de cela ?» Et le prince raconta à sa maîtresse son entretien avec Sir Harris. « Pauvre George, fit Lady Jersey. Mais ce malheur était à prévoir. Il est inévitable et inhérent à votre condition. Que dites-vous? Qu'il vous faudra céder et vous marier. Toi aussi, à Françoise, tu ne m'aimes plus. Quoi? Tu me conseillerais de me marier? il le faut. Mais si ce mariage ne me cause aucun effroi, c'est que je suis sûr de mon Georges bien-aimé. Armez-vous de tout votre courage, et cette liberté que vous croyez compromise, vous le verrez, vous sera bientôt rendue. » Et elle parvint à calmer et à persuader le prince, qui peut-être ne désirait rien autre chose et qui ne redoutait que son opposition. Sœur Harris put se mettre en route. Le 28 novembre 1794, dans l'après-midi, Sœur Harris arriva à la cour de Brunswick. La duchesse le retint à dîner. L'ambassadeur du roi George prit note jour par jour de ses impressions, et nous trouvons dans ses mémoires les détails les plus complets et les observations les plus curieuses sur la future reine d'Angleterre. Nous lui laissons la parole. 2. Journal de Sœur Harris. Voici d'abord ce qu'il dit de la jeune princesse. Jolie figure, mais peu expressive, peu gracieuse. Beaux yeux, belles mains, dents passables, chevelure épaisse, mais sourcils clairsemés. Beau buste court, ce que les Français appellent des épaules impertinentes. Paraît heureuse de ses espérances futures, parle sans cesse. Le soir, grand dîner, je danse avec la princesse Caroline. Mardi 3 décembre, jour fixé pour mes audiences, le major Hislop et un messager arrivent à 11 heures d'Angleterre. Ils apportent le portrait à l'huile du prince et une lettre de son Altesse royale, qui m'engage à terminer le plus vite possible. À 1 heure, les voitures de la cour viennent me chercher pour la cérémonie. Le duc, embarrassé, demeure cependant très bien. La duchesse, mère de la princesse Caroline, est tout en larmes. La princesse paraît fort triste, mais cependant répond fort bien et bien distinctement aux questions du prêtre. Le soir, grand souper à la cour. Le contrat de mariage était rédigé en anglais et en latin. J'en fis, selon mes instructions, une traduction mot pour mot en français. Terence me présentait une tabatière de la part du duc et une montre ornée de diamants de la part de la princesse Caroline. Promenade avec la duchesse dans le jardin. Elle me recommande sa fille avec anxiété, me prie d'être son conseiller. La princesse semblait pressée de partir. J'écris au prince que nous partons le 11, si avant ce jour j'apprends que la flotte qui doit nous escorter est prête. Vendredi 5 décembre. Dès le matin, je me présente chez la duchesse pour lui communiquer ma décision et lui dire que je désire qu'elle écrive au prince relativement à notre départ. Je lui fais un brouillon de sa lettre et j'ajoute sa lettre à la mienne. Fabien part à 2 heures pour l'Angleterre. Après le dîner, le duc me prit à part et me fit une longue histoire sur la princesse Caroline. Il entra parfaitement dans la situation future. Il connaissait très bien le caractère du prince et tous les inconvénients qui résulteraient de son trop ou trop peu d'amour pour la princesse. Il disait de sa fille « Elle n'est pas bête, mais elle n'a point de jugement. Elle a été élevée sévèrement. Il le fallait. » Il me pria de lui recommander la discrétion, de ne pas faire de questions et surtout de ne pas donner son opinion sur les personnes et les choses. Je devais la prier encore de ne jamais donner de conseils et de ne jamais jalouser le prince. Dimanche 7 décembre. Le soir, souper. Je donne conseil à Caroline d'éviter les familiarités, de ne pas avoir de confident, d'éviter de donner son opinion, d'approuver souvent, mais d'admirer rarement, d'être silencieuse sur les parties de la politique et d'être très respectueuse envers la reine. La princesse prit très bien tous ses conseils, pleura quelquefois, mais comme étant chagrinée de quitter ses anciens amis. Mardi 9 décembre. À souper chez la duchesse Douairière, je revis Caroline et lui recommandais de ne point faire de promesses, ni de recevoir aucune demande, de dire à tout le monde qu'elle a pris pour règle de ne solliciter pour personne à son arrivée en Angleterre. Elle approuva ce que je lui dis, et j'ajoutai que si parmi les demandes à elle faites, elle en trouvait quelques-unes dignes d'intérêt, elle devait me les donner, et que je les recommanderais en Angleterre. Mais qu'il ne fallait pas le dire aux solliciteurs, attendu que ce serait d'un mauvais exemple pour les autres. Je lui dis aussi qu'elle ne devait faire d'autres distinctions dans les parties que celles faites par le roi et la reine, qu'elle ne devait jamais écouter les commérages, ni avoir l'air de se laisser influencer par l'opinion d'autrui. Elle me dit qu'elle voulait être populaire, qu'elle avait peur que je lui recommandasse trop de réserve, que probablement je la croyais trop prompte à se livrer. Je fis un salut. « Parlez franchement, me dit-elle. L'abandon, répondis-je, est une aimable qualité, mais dans votre position, on ne peut s'y livrer sans grand risque. On n'a jamais atteint le but de votre ambition, c'est-à-dire d'être populaire, par la familiarité, mais par l'affabilité et la dignité. » Je lui montrai la reine comme un modèle sous ce rapport. Elle me répondit qu'elle avait peur de la reine, qu'elle était certaine qu'elle serait jalouse d'elle et qu'elle lui ferait tout le mal qu'elle pourrait. « C'est pour cette raison, répondis-je, qu'il faut être attentive à ne jamais lui donner un motif de se plaindre de vous. C'est pour cette raison qu'il faut lui donner toutes les marques du respect qu'exige l'étiquette et vous garder de laisser échapper devant elle des mots inconsidérés. » Elle accueillit ses conseils avec bienveillance et dit « Je sais que le prince est fort léger et suis préparé à tout sur ce point. Je ne crois pas, lui dis-je, que vous ayez appelé à votre aide cette sage résolution, mais si des gens cherchaient à vous inspirer de la jalousie, n'oubliez pas que les scènes et les reproches n'ont jamais retenu ni ramené personne, et que la femme en ce cas fournit un contraste avantageux à sa rivale. » Mercredi 10 décembre. Au concert de la cour, Madame de Hertzfeld, la maîtresse du duc, me prend en particulier et me dit ces mots en français. « Monsieur le baron, il faut tenir sévèrement la princesse. Elle n'est point méchante, mais elle manque de tact. Je vous prie, faites que le prince, au commencement, lui fasse mener une vie retirée. Elle a toujours été très gênée et très observée. C'était nécessaire. Si elle se voit tout à coup jetée dans le monde, sans lisière, elle ne marchera pas en mesure. Elle n'a point le cœur gâté, elle n'a jamais mal fait, mais chez elle, la parole va toujours plus vite que la pensée. Elle parle sans réfléchir et se livre. Par là, il arrive que, même dans cette petite cour, on lui prête des inclinations et des sentiments qui n'ont jamais été les siens. Que serait-ce donc en Angleterre, où, dit-on, il ne manque pas de femmes habiles, intrigantes, qui l'entoureront, s'empareront d'elle, auxquelles, si le prince souffre qu'elle mène la vie dissipée de Londres, elle se livrera à corps perdu, qui mettront dans sa bouche tel propos qui leur plaira, puisque malheureusement elle parle à tort et à travers. Il y a en outre chez elle un bon fond de vanité, et bien qu'elle ne manque pas d'esprit, elle est toute superficielle. Qu'on la caresse, qu'on l'adore, la tête lui tournera. Ainsi arrivera-t-il si le prince la gâte. Il faut se faire craindre d'elle autant que se faire aimer. En un mot, qu'il la tienne serrée s'il ne veut pas qu'elle bronche. » Sans doute il y avait beaucoup de vérité dans ces appréciations, mais on remarquera combien elle justifie le proverbe « On n'est jamais trahi que par les siens ». Avant la favorite, le père avait déjà fait de cette fille qu'il adorait un portrait peu flatteur. Plus tard, tous ces propos tenus sur la légèreté de Caroline retombèrent sur cette princesse avec un poids énorme. On n'a pas oublié que Sir Harris est un ami de George et par conséquent de Lady Jersey. Mais poursuivons la lecture de cet édifiant journal. Nous passons toutefois sur de nombreux et excellents conseils qu'il lui donne et nous arrivons aux notes du vendredi 2 janvier. Conversation à propos des émigrés. Je désire que la princesse distribue elle-même l'argent dont je dispose pour eux. En effet, les émigrés avaient reflué à la cour du duc. C'était à qui lui rappellerait qu'il avait servi sous ses ordres, et la plupart d'entre eux étaient dans la plus grande misère. Leur situation est déplorable. Ils meurent littéralement de faim. Je persuade à Caroline d'être généreuse envers eux. Elle y consent, mais elle ne sait comment s'y prendre. Je lui explique que libéralité et générosité sont des jouissances de cœur, et non pas des vertus sévères imposées par la religion. Après m'avoir prêté une profonde attention, elle donne un louis pour quelques billets de loterie. Je donne 10 et dis aux spectateurs de cette libéralité que ce que j'en fais est par ordre de la princesse. Celle-ci se retourne tout étonnée. « Vous avez été trompé, lui dis-je, sur la valeur précise des billets que vous avez pris. Ils valent un louis la pièce. » Le lendemain, un émigré vint avec une jolie petite fille et s'approcha de la table où nous étions. La princesse Caroline, alors d'elle-même, lui donna quelques louis. La duchesse, sa mère, s'en aperçut et me demanda « Qu'y a-t-il donc ?» Je lui répondis « C'est un pauvre émigré et sa fille qui demande l'aumône. Donnez-leur quelque chose. »« Oh !» dit la duchesse tout embarrassée, « je n'ai que mes beaux doubles louis de Brunswick. Bon, ils seront encore bien plus beaux dans les mains de l'enfant que dans les vôtres. » Elle fut honteuse et en donna 3. Partout et toujours les mêmes, ces braves Allemands. Ils n'ont jamais su donner, ils ne savent que prendre. On se rappelle le maréchal Wrangel qui, au premier de l'an 1873, avait fait provision de pièces de 3 centimes pour faire largesse à la foule berlinoise. Mais continuons. Vers le soir, Caroline, à qui ses vertus n'avaient jamais été prêchées, m'offrait 8 ou 10 louis en me disant « Cela ne fait rien, je ne m'en soucie pas, je vous prie de les prendre. » Je mentionne ce fait pour montrer le caractère de la princesse. Au commencement de janvier, Sir Harris et la princesse se mirent en route. À Hornabrück, il remarqua que Caroline avait une dent gâtée et lui conseilla de la faire arracher. Elle la fit arracher en effet, et naïvement elle l'enveloppa avec soin dans du papier et l'envoya à son mentor. Cette étourderie donna plus tard sujet à des railleries et des reproches. La Hollande leur étant fermée par l'armée de Pichegru, ils s'arrêtèrent à Hanovre et ne s'embarquèrent que le 29 mars, aux bouches de l'Elbe, où la flotte anglaise vint les chercher. Pendant le voyage, Caroline, malgré la surveillance de Sir Harris, trouva le moyen de se compromettre par des bontés trop familières envers le capitaine du navire, Sir Paul, qu'elle avait pris en soudaine amitié. Le 24 avril, la flotte entra dans la Tamise. Le lendemain dimanche, Caroline descendit à Greenwich à midi. Les voitures de la cour n'étaient pas encore arrivées. Lady Jersey, nommée première dame d'honneur de la princesse, avait été chargée par le prince George d'aller la recevoir, et elle avait eu l'impertinence de se mettre en retard de près d'une heure. La première chose que fit Lady Jersey, dit Sir Harris, fut la grimace en voyant la toilette de la princesse qui n'était pas de son goût. Il est vrai que ce fut l'objet d'une simple observation. Mais ce qui amena une altercation véritable, ce fut le refus que fit Lady Jersey de se mettre sur la banquette de devant, dans la voiture de la princesse. Elle ne voulait pas, disait-elle, rouler en arrière. Je répondis à Milady Jersey que le roi avait défendu qu'elle fût assise sur la même banquette que la princesse, et que si elle ne voulait rouler en arrière, il ne fallait pas accepter la charge de femme de chambre. Avant de voir sa fiancée, George voulut entendre le rapport du baron Harris et prendre l'avis de Lady Jersey. Si grande que fût la prudence du premier, on peut s'imaginer qu'il en apprit toujours assez pour être fortement prévenu contre Caroline. Les anecdotes de la dent gâtée, des doubles louis, des succès du capitaine Paul, l'ignorance et le manque de goût de la princesse en matière de toilette, firent bondir de colère le prince de Galles. « Mais on veut donc me rendre ridicule ? » s'écria-t-il. « Mais ce mariage est impossible ! Cette femme ne sera jamais une reine d'Angleterre !» Ce fut dans ces sentiments que, vers la fin de la journée, il se rendit à Saint James, où sa famille et sa fiancée l'attendaient. Grâce au journal de Sir Harris, nous pouvons assister à l'entrevue des deux futurs époux. Dimanche 5 avril. Aussitôt que le prince fut arrivé, j'introduisis la princesse Caroline chez lui. Elle se mit très gentiment à genoux devant le prince. Il la releva d'une façon assez aimable, l'embrassa, balbutia quelques mots, tourna autour d'elle comme un maquignon fait autour d'un cheval, se retira dans son appartement et me fit appeler. « Harris, me dit-il, je me sens mal. Faites-moi le plaisir de me donner un verre d'eau-de-vie. »« Monseigneur, ne vaudrait-il pas mieux un verre d'eau ?»« Non, je vais aller de suite chez la reine. » Il but son verre d'eau-de-vie et partit. Caroline, laissée seule, était plongée dans un étonnement incroyable. « Mon Dieu !» me dit-elle aussitôt. « Est-ce que le prince est toujours comme cela ? Je le trouve trop gras, et nullement aussi beau que le portrait que l'on m'a envoyé de lui. » Elle était disposée à se plaindre encore davantage, ce qui m'aurait gêné pour répondre, mais heureusement le roi me fit appeler. La seule question qu'il me fit sur sa belle-fille fut « A-t-elle bon caractère ?» Je répondis, et c'était la vérité, que dans les moments les plus critiques, je l'avais toujours vue de bonne humeur. « J'en suis content, » dit-il. Puis la conversation de roi changea brusquement de sujet. Il me questionna sur la guerre entre la France et la Prusse et me demanda l'opinion du duc de Brunswick, qui, au commencement de la guerre, avait joué un rôle si considérable et qu'il connaissait personnellement. J'essayai vainement de ramener la conversation à son point de départ, en entrant au sujet du duc dans quelques détails sur la cour de Brunswick. Mon intention fut sans doute devinée par le roi, qui ne voulut point y répondre. Quant à la reine, elle évita de m'entretenir. Tant de froideur était d'un fâcheux augure pour la princesse Caroline. Je jugeai par le silence du roi qu'il avait vu la reine depuis que celle-ci avait vu son fils et que le prince avait fait à sa mère un rapport très défavorable sur Caroline. Au dîner, auquel assistaient tous ceux qui avaient accompagné la princesse depuis Greenwich jusqu'à Londres, je fus assez mécontent de la conduite de Caroline. Elle était sans gêne, railleuse, rude et lançant des pointes vulgaires à Lady Jersey qui était présente. Le prince ne cachait pas son dégoût, et ce malheureux dîner fixa une antipathie que la princesse ne sut pas faire disparaître par le tête-à-tête. De ce moment, et pendant les 3 semaines qui suivirent, je vis quelles seraient les conséquences de cette malheureuse union. Le mariage entre le prince de Galles et Caroline de Brunswick fut célébré le soir du 8 avril 1795 dans la chapelle du palais Saint-James. Cette cérémonie faillit être troublée par un fâcheux éclat. Tandis que Caroline, recueillie avec une grâce touchante, assistait à la consécration d'une destinée dont elle avait pu déjà pressentir le malheur, le prince de Galles, à moitié ivre et perdant conscience du lieu où il se trouvait et de l'acte solennel qui l'accomplissait, s'amusait avec son cynisme ordinaire à échanger avec deux de ses maîtresses, Jersey et Harvey Aston, des signes lascifs, des baisers et des sourires. Ce scandale n'échappait à personne, sauf à la reine qui ne voulait rien voir et au roi qui ne voyait jamais rien. Caroline le remarqua, une vive rougeur lui monta au front, son cœur se serra, mais elle parvint à se dominer. Cependant le cours de ses pensées s'assombrit, et vers la fin de la messe, le prince de Galles surprit une larme dans ses yeux. À cette vue, profondément irrité d'une tristesse dans laquelle il voyait une insulte, Georges se leva soudain, couvrant d'un regard de colère l'infortuné agenouillé près de lui. L'archevêque qui officiait s'arrêta stupéfait. L'assistance s'émut. Sœur Harris, qui n'était pas loin du prince, s'approcha et lui dit à voix basse « Insensé, que faites-vous? Vous êtes ivre !»« Pardonnez, » balbutia le prince à l'archevêque, « j'ai cru que je devais me lever. » La cérémonie continua et s'acheva sans autre incident, mais personne ne s'était mépris sur le mouvement du prince et la valeur de l'excuse qu'il avait donnée. Un moment, la comtesse de Jersey avait espéré une rupture, et Caroline avait pu lire cet espoir dans les yeux de sa rivale. Enfin, la cour apprenait que, pour plaire à l'héritier de la couronne, il ne fallait montrer aucun empressement envers la princesse. La solitude devait se faire autour d'elle. Après le souper, les nouveaux époux quittèrent le palais Saint-James pour Carlton House. Le prince conduisit sa femme jusqu'au grand salon. Lady Jersey et Madame Harcourt y attendaient la princesse et la conduisirent dans sa chambre à coucher. 3. La première nuit de noces. Plus d'une heure s'était écoulée. La princesse de Galles était au lit. Son regard, assoupi par la fatigue, errait dans cette chambre ornée avec un goût somptueux et luttait contre la vive clarté du foyer et des bougies. Son cœur, gonflé de tristesse, s'apaisait, mais au moindre bruit se mettait à battre avec violence. Que faisait le prince ? Combien de temps se ferait-il attendre encore ? Elle n'osait sans doute s'arrêter à des pensées qui auraient ramené une tristesse dont elle tremblait de garder l'expression. Enfin la porte s'ouvrit et livra passage au prince. Elle tressaillit, et rouge de pudeur, n'osa tout d'abord lever les yeux vers Georges, mais la respiration bruyante de celui-ci, le mal qu'il prenait à fermer la porte, l'étonnèrent, et elle le vit, le visage pourpre, les yeux troubles, s'avancer vers elle d'un pas chancelant. Un sourire imbécile errait sur ses lèvres, et il marmottait quelques paroles d'excuses ou de compliments quand en chemin il se heurta à une chaise. « Ah, qu'est-ce que cela ? » fit-il en cherchant un appui dans l'obstacle qu'il ne pouvait tourner. « Comment, ma chère princesse, arriverai-je jusqu'à vous ?»« Oh Dieu !» se dit la jeune femme, « il est complètement ivre. »« C'est une chaise, voilà qui est singulier !» continua l'ivrogne. « Mais où donc êtes-vous, princesse ? » ?»« Me voici, mon prince. »« Ah bien, je suis à vous. »« Ah, Godam !» La chaise avait échappé à la main de Georges, qui, en se baissant pour la ramasser, roulait sur le parquet. « Mon Dieu, qu'avez-vous, prince ?» gémissait la malheureuse femme, tandis que Georges, souffrant, jurant, s'épuisait en vains efforts pour se relever. « Vous vous êtes blessé, disait-elle. Voulez-vous que je sonne ?»« Ce n'est rien, c'est une chaise maudite, allons !» Et tentant un dernier effort, Georges se leva à demi et roula au pied du lit, assommé, anéanti. Pendant de longues heures, Caroline, tremblante, entendit les hoquets de son Altesse. Un profond sentiment de dégoût s'était emparé d'elle. Elle songeait en frissonnant à ce qui serait arrivé si cet homme, au lieu de tomber au pied du lit, était parvenu jusqu'à elle. À l'idée de ce contact abject, tout son être se révoltait. Puis, au souvenir de ses espérances de jeune fille, à l'idée du lendemain qui l'attendait, elle se prit à pleurer. Les larmes, la fatigue, l'obscurité qui s'était faite dans la chambre amenèrent le sommeil, et quand le jour parut, ce fut Georges qui s'éveilla le premier. Il détira ses membres engourdis, rappela le souvenir de ce qui s'était passé, puis, après s'être assuré que sa femme dormait et qu'il n'avait pas à subir ses regards dans le honteux état où il se trouvait, il se leva et se retira dans son cabinet de toilette. Il se dépouilla de ses vêtements souillés, rafraîchit son visage et rentra dans la chambre à coucher. Il était furieux, secrètement humilié, et dans cette humiliation même puisait un nouveau sujet d'antipathie envers la princesse. celle-ci venait de s'éveiller. Elle lui tendit la main avec un doux sourire. « Monseigneur, lui dit-elle, oublions cette mauvaise nuit. Point d'excuse, n'est-ce pas? Je n'en veux pas entendre. » « Madame, répondit Georges en effleurant froidement du bout des doigts la main qui lui était tendue, je vous remercie de me pardonner une faute dont je reconnais toute la gravité, et je vous prie néanmoins de recevoir mes excuses. » Le ton glacial qu'il donna à ces paroles étonna Caroline, mais elle n'était pas au bout de ses sujets de surprise. Après s'être assis près du lit, « Madame, reprit Georges, en venant à Londres pour y épouser un prince qui vous était inconnu, vous avez compris que, princesse de Galles, vous étiez appelée à être un jour reine d'Angleterre et à donner des héritiers à la couronne. Vous avez sans doute pensé qu'une élévation aussi glorieuse pour vous et votre maison serait une large compensation au bonheur vulgaire que, dans une sphère moins grande, eût pu vous assurer un mariage avec un gentilhomme de votre choix. Vous avez préféré une union dictée par la politique à une union d'inclination. Mais, prince, permettez, je sais, madame, ce que vous voulez dire. Mais puisque c'était improbable, puisque cet accord de la politique et du cœur était impossible, contentons-nous de constater le fait et d'en tirer les conséquences. Ces conséquences, les voici. Je m'efforcerai, par les marques d'estime et de respectueuse affection qu'un prince doit à sa compagne, d'adoucir, dans ce qu'ils auront parfois de pénible, les devoirs qui vous sont imposés. Vis-à-vis du monde, nous garderons les dehors que le monde exige, mais l'un vis-à-vis de l'autre, nous resterons libres. L'amour commande au prince et au roi, un décret du Parlement ne saurait le faire naître. M'avez-vous compris, ma chère princesse? Parfaitement, prince. Sauf pendant les quelques jours de la lune de miel, je garderai, dans mes goûts, mes habitudes, mes affections, une entière et absolument liberté. Oui, prince. Et je le crois sincèrement, nous devrons à cette entente les bases d'une solide amitié. Prince, votre bonheur est mon seul désir, et je saurai me conformer à tout ce qu'il exige. Inutile d'ajouter, je pense, que vous iriez à l'encontre des vœux que vous m'exprimez si vous confiez à personne l'entretien que je viens d'avoir avec vous. « Oh, monseigneur !» protesta Caroline. « Et qui prendrais-je pour confident dans cette cour où je suis étrangère ? » ajouta-t-elle avec amertume. « Très bien. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous remercier de l'attention que vous m'avez prêtée et de votre bonne volonté. » Il salua gracieusement et se retira, laissant Caroline plongée dans une douloureuse stupéfaction. Avait-il donc besoin de lui signifier ainsi ses volontés ? Et pourquoi réclamer d'une façon si brutale une liberté qu'elle ne pouvait songer à lui disputer ? Seule, entourée d'ennemis, elle était bien obligée de se résigner au devoir de sa position. Ah, il lui en coûtait cher d'être princesse de Galles. Et la petite cour de Brunswick, parfois si maussade et toujours si monotone, lui apparut alors comme un paradis perdu.